traîne l'amour comme un appel. De mouler sur, je suis éternel. L'amour de soi, l'amour est roi. Il est prophète dans son pays. Celui du cœur, celui de la vie. Debout mes seuls, je suis la flamme. Moi l'étincelle sans artifice. L'étoile qui brille dans un ciel lisse. Je donne la joie, suscite la peine. Debout mes frères, je suis le chêne. Une âme, une sœur, un tout, une somme. Sans fausse pudeur et c'est tout comme une splendeur de Babylone. Debout lueur, je suis le feu. Je suis la vie, je suis l'esprit, je suis le tout, je suis le seul. Je suis au-dessus de toutes les lois, je suis l'amour qui bat pour toi. Je suis la vie, je suis l'esprit, je suis le tout, je suis le seul. Je suis au-dessus de toutes les lois, je suis l'amour qui bat pour toi. L'arbre qui plie garde ses feuilles, même sous le vent il en fait deuil. Toujours vivant, gonflé d'orgueil. Debout la sève, je suis l'aïeul. Une quête de forge, j'étais un sort. La convoitise et la complice d'un sentiment si galvaudé. Debout un texte, je suis vérité. Une vie de soupir, pas de vie. Avouer ses craintes sans contrainte. Une routine chasse le train-train. Debout les dieux, je suis heureux. Le sens qui fuit, l'esprit l'éveille. Avance tactile, as-tu sommeil. Quand la nuit brille, je suis pareil. Debout des yeux, je suis électrique. Je suis la vie, je suis l'esprit, je suis le tout, je suis le seul. Je suis au-dessus de toutes les lois, je suis l'amour qui bat pour toi. Je suis la vie, je suis l'esprit, je suis le tout, je suis le seul. Je suis au-dessus de toutes les lois, je suis l'amour qui bat pour toi. Vagabondage, extrême limite. Ivre de rage, tu prends la fuite. Sur une page, au compte fortuite. Debout hasard, je suis la chance. Oscillation, battement de cils. Concentration d'adrénaline. Une émotion d'instant fébrile. Debout la peur, je suis téméraire. Aimer les autres sans autre but. Je veux pas d'apôtre, pas plus de lutte. Le mien est tien, le vôtre est l'autre. Debout l'humain, je suis généreux. De tout donner, c'est s'épanouir. Passer le guet, c'est enfin vivre. La source secrète, c'est ce sourire. Debout mon père, je suis l'enfant.